Avant de commencer l'épisode, je te propose d'écouter l'annonce d'un podcast dont je suis partenaire et que j'écoute régulièrement. Un début de lecture d'une nouvelle, d'un roman, puis un entretien avec son auteur, c'est le podcast Première Page et vous pouvez retrouver tous ces épisodes, vous y abonner, sur toutes-les-premières-pages.fr. Le Lloydcast. Les résonances. Salut la compagnie, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle résonance, la 21,2. Je te rappelle que les résonances sont des petites virgules entre les remarquables, sachant que les remarquables, le concept même, c'est le cœur du projet du Lloydcast. Comme tu as pu l'entendre en début de résonance, il y a l'annonce de ce podcast dont je suis partenaire, Première Page, et je t'encourage vivement à aller écouter un épisode. Je dois faire un mea culpa, puisque la dernière fois, j'avais dit que ça me faisait penser à Audible, et je disais Audible. Et mon cher camarade, Stéphane Titeka, à qui je fais ici un salut amical, et d'autant que je suis très touché qu'il écoute ses émissions, m'a fait gentiment remarquer que je la faisais à l'américaine et que c'était pas la peine. Aujourd'hui, le sujet de cette résonance, c'est les raisons pour lesquelles j'ai arrêté le Lloydcast et pourquoi aujourd'hui je le reprends. Alors, comme je l'avais déjà dit à l'époque, travailler sur un remarquable, ça prend beaucoup de temps puisqu'il fallait que je fasse des recherches sur la personne que je voulais interviewer, la personne avec qui je voulais partager en tout cas un moment au micro et te le faire découvrir si tu ne le connaissais pas. Et forcément, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour que ce soit bien fait parce qu'il y a aussi tout le temps d'enregistrement, plus le temps de montage derrière qui est très long et enfin tout le temps de mise en ligne et de faire la pub et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement chronophage. Alors je suis très content parce que j'ai eu des excellents retours quand j'ai lancé ça, mais moi ça me prenait beaucoup de temps de travail sur mon travail de base. Et c'est pour ça que petit à petit, même si j'ai essayé d'en faire moins, j'ai eu du mal à trouver cette régularité. Sur chacun des remarquables, il y a à peu près entre 300 et 350 écoutes en moyenne. Et il y a des épisodes qui sont montés jusqu'à 600 et quelques écoutes. Je crois qu'il y a vous êtes 60 et 80 abonnés, en tout cas à recevoir la notification comme quoi il y a un nouvel épisode, soit des remarquables, soit des résonances. Donc je peux me sentir déjà vachement content d'avoir eu un public dans cette première version du podcast. Aujourd'hui, les raisons de revenir sont extrêmement simples. J'ai toujours eu envie de faire ça, mais c'était simplement le manque de temps. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'en ai davantage, mais je pense que je saurais mieux le gérer. Mais j'avais pas forcément envie de refaire exactement la même chose. C'est pourquoi j'ai voulu attendre un petit peu de temps de bien m'équiper pour pouvoir repartir en tout cas un petit peu à l'assaut de cette idée d'avoir un podcast à soi. Alors j'imagine que tu l'entends, j'ai un partenaire en sous-marin, Logitech, qui m'a fait le don de plusieurs choses, dont un micro Blue Yeti X, j'en fais la pub. Malheureusement, j'ai pas de code promo pour t'en faire profiter. Non, c'est un très très bon micro justement de podcasteur et qui permet d'avoir un son qui est vraiment plus agréable et beaucoup plus chaud et c'est moins bricolo. Enfin, ça l'est plus du tout d'ailleurs. C'est plus du tout bricolo comme ça l'a été auparavant. J'ai aussi fait l'achat d'un nouvel ordinateur qui me permet de traiter tous les fichiers de la meilleure manière possible. Et ensuite, il y a aussi un nouvel habillage visuel, un peu moins austère, que j'essaye de mettre en place. Alors ça me prend aussi du temps, mais je m'amuse aussi beaucoup avec ça. Et c'est toutes ces choses-là, mises les unes à côté des autres, ça m'a vraiment donné envie de reprendre ce travail autour du Lloydcast, autour des remarquables, autour donc aussi des résonances, pour te proposer un nouveau contenu plus agréable aussi à écouter. Au niveau des résonances, il y a aussi un changement d'angle, de prisme, puisqu'avant j'utilisais le micro pour parler un peu de tous les sujets possibles et imaginables. Aujourd'hui, je vais davantage recentrer ça sur des sujets culturels, puisque c'est mon domaine d'action, et continuer aussi à te faire part de certaines choses que je fais dans mon travail. Alors, autre chose aussi qui change, c'est les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir écouter ce podcast. Alors à la base, il y a PodCloud et Apple Podcast, mais désormais, il y a aussi un endroit qui est réservé au Lloydcast sur Spotify. Si tu as Spotify, tu peux venir t'abonner à ce podcast. Et enfin, donc je suis aussi sur Android Podcast de base. Et maintenant, il y a aussi des vidéos YouTube qui sortent avec les résonances, où il y a un petit visuel sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui est plutôt sympa aussi à regarder et surtout à écouter puisque c'est le but du jeu. Mais aussi, il y aura des remarquables qui seront filmés et que je mettrai, donc je posterai sur YouTube. Et puis, il y a la compagnie. La compagnie, c'est vous, c'est toi que je tutoie parce que j'essaye de créer ce rapport d'intimité entre vous et moi, entre toi et moi. C'est extrêmement important pour moi qu'aujourd'hui, tu puisses soutenir ce podcast en t'abonnant, en commentant, en le partageant, en le recommandant à tes amis. J'ai besoin de faire grossir cette communauté autour de ce podcast. Et puis, surtout à travers les commentaires ou à travers des messages personnels, il ne faut pas que tu hésites à me dire ce que tu voudrais entendre. S'il y a des personnes que tu voudrais, que t'aimerais que je puisse interviewer, s'il y a des résonances sur lesquelles tu voudrais que j'intervienne, sur des sujets que tu aimerais que j'aborde, et tout ça afin de rendre cet espace-ci le plus interactif possible. Alors voilà, tu sais toutes les raisons aujourd'hui pour lesquelles je reviens autour de ce Lloydcast pour essayer de t'offrir plus de contenu. Merci énormément de ton soutien. On se retrouve très bientôt. Salut la compagnie. Retrouvez le Lloydcast sur Spotify, Apple Podcast, PodCloud et maintenant YouTube. Abonnez-vous et à bientôt.